بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme on avait annoncé il y a quelques semaines, ceci sera le premier cours sur la traduction et les éventuels commentaires du livre Taysir al-Allam, Sharhi ou Sharhu Umdat al-Ahkam, qui est un livre du Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih al-Bassam, qui est un grand savant de l'islam de notre époque, Rahimahullah ta'ala. Il faisait partie de Hayat Kibar al-Ulama. C'était entre autres un des élèves de Cheikh Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Il a étudié auprès de lui 8 années, dans lesquelles il a côtoyé le Cheikh. Puis, il a été enseignant à la Mecque. Il a notamment enseigné pendant plus de 50 ans dans la mosquée Al-Masjid al-Haram. C'était un savant connu pour sa précision et pour sa science dans le fiqh, mais aussi dans l'histoire, et en particulier dans Tarikh Najd, dans l'histoire de Najd, de l'Arabie Saoudite, et également dans la science de la généalogie, dans la science de la généalogie. Et parmi les livres qu'il a écrit, celui-ci, qui est un livre qu'il a appelé Taysir al-Allam, c'est-à-dire la simplification aux gens dans l'explication de Umdat al-Ahkam. Et Umdat al-Ahkam est un recueil de hadith écrit par Taqiyuddin Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, qui a écrit ce recueil de hadith dans lequel il s'est donné comme condition de ne citer que les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, et les hadiths dans lesquels à la fois Al-Bukhari et Muslim sont d'accord sur son authenticité. Et ceux qui apprennent la science du hadith savent ou sauront que le hadith qui a atteint le plus haut degré d'authenticité est celui dont ou celui le hadith dans lequel à la fois l'imam al-Bukhari et l'imam muslim sont d'accord sur son authenticité. C'est le plus haut degré d'authenticité d'un hadith. Concernant les savants de l'islam, et en particulier les savants du hadith, ils ont plusieurs façons de faire ou d'écrire des recueils de hadith. Certains citent les hadiths ou rapportent les hadiths sans faire de distinction, à savoir dans le chapitre dans lequel ils ont un rapport, mais ils citent les hadiths les uns à la suite des autres. On peut ainsi avoir un hadith sur la aqida, suivi d'un hadith sur comment faire les ablutions, suivi du hadith sur les ventes, etc., etc. Et c'est ce que les savants appellent al-jawami', c'est-à-dire les livres qui rassemblent les hadiths sans les classer par thème ou sans les classer par ou en utilisant des paramètres comme d'autres savants ont écrit des recueils de hadith qu'ils ont classés par compagnons. Et le livre le plus connu dans ce domaine, c'est le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dans lequel il rapporte les hadiths apportés par les compagnons. Il prend un compagnon et il cite tous les hadiths rapportés par celui-ci. Et une fois cette citation terminée, il passe à un autre compagnon dans lequel il cite également tous les hadiths en rapport avec ce compagnon ou rapportés par ce compagnon. Et il y a d'autres savants qui ont fait les recueils de hadiths et qu'ils ont classés par thème. Et parmi ces savants, Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisiyu rahimahullah ta'ala, qui est un savant qui est né dans les années 540 de l'Égypte. Et l'imam al-Dhahabi a la cité dans certains de ses ouvrages. D'autres ont fait également la même chose, et l'un des livres les plus connus aussi, c'est Bulugh al-Maram de l'imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dans lequel lui aussi il a ce recueil de hadith qui est traduit en français, je crois, par l'arrivée au but ou quelque chose comme ça. L'arrivée au but, dans lequel il y a un recueil de hadith qu'il a classé par thème, sur le chapitre de la purification, chapitre de la prière, de la zakat, etc., etc. Et ce livre, Umdat al-Ahkam, les savants lui ont donné une grande importance. Pour cela qu'ils encouragent fortement, voire même obligent les étudiants en sciences religieuses de l'apprendre par cœur. D'apprendre ce livre qui contient un peu plus de 400 hadiths, d'apprendre ces hadiths par cœur. Et ils ont expliqué ce livre, beaucoup de savants l'ont expliqué, il y a beaucoup d'explications de ce livre, Umdat al-Ahkam, et la plus complète des explications, celle qui est la plus réputée chez les savants, c'est celle de Ibn al-Daqiq al-Aid, comme cela, qu'il a appelé al-Ihkam بشرح عمدة الأحكام أو إحكام الأحكام إحكام الأحكام. Et ce livre n'est pas à la portée de tout le monde, à savoir dans sa compréhension. C'est un livre qui explique عمدة الأحكام à travers la science de la jurisprudence. Et ce sont en général les savants ou les étudiants en sciences religieuses qui sont avancés dans la science du fiqh qui peuvent lire ce livre et en comprendre ses sens. Pour cela que Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, a jugé bon de faire une explication simple de ce livre, Umdat al-Ahkam, qui puisse être par la suite à la portée de l'ensemble des musulmans, afin qu'ils puissent profiter de ces hadiths et de leurs explications et également des jugements qui en découlent. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, les savants également ont conseillé les débutants en sciences religieuses, notamment dans la science du fiqh, de commencer par ce livre, Taysiru al-Allam, car c'est un livre dans lequel l'auteur cite tout d'abord le hadith, puis en cite le sens général, c'est-à-dire qu'il reformule le hadith avec quelques explications. Il explique également dans ce livre, dans les hadiths, les termes qui sont compliqués ou les termes qui méritent des définitions, des explications. Puis, il apporte ce que l'on retient du hadith, les points à retenir sur le hadith. Et lorsqu'il y a divergence des savants, il cite la divergence des savants en citant la plupart des cas l'avis des quatre écoles, Al-Shafi'iyya, Al-Malikiyya, Al-Hanafiyya, Al-Hanabila, en apportant les preuves de chacun, et en citant l'avis qui lui paraît être le plus juste et celui qui se rapproche le plus de la vérité. Donc c'est un livre par la volonté d'Allah Azza wa Jal qui sera bénéfique. Tayyib. On va commencer par lire l'introduction Al-Hafid Taqiyuddin, c'est-à-dire de l'auteur du livre, à savoir Umdat al-Ahkam, puis ensuite on commencera par le premier chapitre, qui est le chapitre de la purification. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. Donc الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد. Donc la kunya, sa kunya était Abu Muhammad. Abdul Ghani, le fils de Abdul Wahid, le fils de Ali, le fils de Surur, Al-Maqdisi. Al-Maqdisi, c'est une nisba. Nisbat ila? Non. Jérusalem, il a le Quds, c'est-à-dire qu'il a vécu à Jérusalem. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, louange à Allah, le roi, l'unique qui a le pouvoir, et j'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, sans ne lui associer quoi que ce soit, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, le puissant et le tout pardonneur. Et j'atteste que Muhammad est son envoyé et son prophète, qu'il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur ses compagnons qui sont dotés de mérite et purifiés, radiyallahu anhum. Puis il dit, amma ba'd, fa inna ba'd ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam. مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْإِمَامَانِ. Ensuite, puis il dit, certains de mes frères m'ont demandé de leur écrire ou de leur donner un résumé de certains hadiths en rapport avec les jugements, des hadiths qui sont authentiques et dont l'authenticité est certifiée à la fois par l'imaman, c'est-à-dire par les deux imams, Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim al-Bukhari, wa Muslimun ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushayriyu, al-Naysaburi, fa-ahbabtuhu, ou fa-ajabtuhu ila su'alih, raja al-manfa'ati bih. Les deux imams, qui sont l'imam Abu Abdullah, Muhammad, le fils de Ismaïl, le fils d'Ibrahim, al-Bukhari, et Muslim, le fils de Hajjaj, le fils de Muslim, al-Qushayri, al-Naysaburi, et j'ai répondu à sa question en espérant que celle-ci soit profitable. En espérant que celle-ci soit profitable. Wa as'alullah an yanfa'ana bihi, wa min kutubihi, wa man katabahu, aw sami'ah, aw qara'ahu, aw hafidah, aw nadhara fihi. Et je demande à Allah qu'il fasse profiter, c'est-à-dire de ce résumé et de ce recueil de hadith, celui qui l'écrit ou l'entend, celui qui le lit ou l'apprend par cœur, ou celui qui le regarde. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim. Et qu'il fasse que ce recueil soit sincère pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mujiban lil fawzi ladayhi fi jannati an-na'im, et qu'il soit la cause de la réussite auprès de lui subhanahu wa ta'ala dans les jardins vertueux, c'est-à-dire dans le paradis. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakeel, car Allah azza wa jalla, c'est lui qui nous juge et c'est celui envers lequel nous devons placer notre confiance. Donc ainsi était la muqaddima, l'introduction de l'imam Taqiyuddin Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Et il a suivi dans cela l'habitude des savants de l'islam qui, lorsqu'ils commencent un livre ou lorsqu'ils commencent une introduction, commencent tout d'abord par faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite de faire l'éloge de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et beaucoup de livres écrits par les savants sont une demande faite par leurs élèves ou par les gens d'une tribu ou d'une ville. Ainsi, beaucoup de livres qui sont réputés et propagés dans le monde musulman, et à titre d'exemple, le Sharh al-Aqid al-Wasatiyya de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est un livre qu'il a écrit à la demande de personnes qui lui ont demandé de nous écrire de façon brève la croyance que doivent avoir les gens de la Sunna. Ainsi, il a écrit cet Aqida al-Wasatiyya. Et il demande par la suite que cet acte qu'il a fait, ce résumé et ce recueil de hadith authentique qu'il a rassemblé, soit fait en toute sincérité et qu'il soit la cause de sa réussite dans cette vie d'ici-bas, puis dans l'au-delà. ثم قال المؤلف كتاب الطهارة. Puis الإمام تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله commence son livre en disant كتاب الطهارة, le chapitre de la purification. Il a donc fait le recueil de hadiths, c'est-à-dire qu'il a rassemblé les hadiths et qu'il les a réunis, mais pas seulement, mais il les a classés par thème. Il les a classés par thème. Et le premier chapitre qu'il entame, c'est le chapitre de la purification. Et il cite par la suite le premier hadith. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le premier hadith, selon le guide des croyants Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par les intentions. Et toute personne est rétribuée selon son intention. Celui donc qui émigre ou pour qui l'émigration est vers Allah et son envoyé, alors son émigration sera vers Allah et son envoyé. Et celui pour qui l'émigration est pour cette vie d'ici-bas ou pour un bien de cette vie d'ici-bas qu'il veut atteindre, ou bien pour une femme qu'il veut épouser, alors son émigration sera ce pour quoi il a émigré. Alors son émigration sera ce pour quoi il a émigré. Donc c'est un hadith connu de la plupart d'entre vous, si ce n'est de tous, qui est un hadith immense en islam, un hadith sur lequel l'ensemble des adorations repose. Et comme je l'ai dit en introduction, les savants de l'islam conseillent fortement d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon générale, car le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما Samiaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qu'Allah illumine le visage de celui qui entend ma parole, la comprend, puis la répète comme il l'a entendue, ou la rapporte comme il l'a entendue. Et le fait de la rapporter comme tu l'as entendue, on en comprend que celle-ci doit être apprise par cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui a entendu ma parole, puis l'a compris, et puis l'a rapporté comme il l'a entendu. Et une personne qui peut rapporter une parole comme il l'a entendu, c'est une parole qu'il a mémorisée. C'est une parole qu'il a mémorisée. C'est pour cela que les gens du hadith et les savants du hadith ont une lumière sur leur visage qui les distingue la plupart du temps des autres savants. On prendra donc comme habitude, en commençant le cours, de questionner certains d'entre vous sur le hadith ou les hadiths qui auront été expliqués afin qu'ils soient récités et non lus par certains d'entre vous. Et bi'idhnillah, yani, si on explique un hadith ou deux par semaine, cela laisse une semaine pour apprendre un ou deux hadiths. Et au fur et à mesure du temps, en avançant, bi'idhnillah, si, comme Kitab al-Wajiz, ce livre nous prend 3 ou 4 ans, eh bien au bout de 3 ou 4 ans, par la volonté d'Allah Azza wa Jalla, tu auras appris au moins 400, voire un peu plus, hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il faut savoir aussi que la science se préserve aussi par l'apprentissage, par la mémorisation. Et beaucoup de choses qui restent, ou la plupart des choses que tu peux citer lorsque l'on te questionne ou lorsque tu es face à une situation, la plupart du temps c'est ce que tu as appris par cœur qui te revient en premier. Il y a donc des mérites innombrables à apprendre par cœur le livre d'Allah tout d'abord, puis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ceci travaille la mémoire bien sûr, ceci est un acte méritoire, il faut le considérer comme une adoration et un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci te permettra également d'enseigner et d'aider tes enfants également à mémoriser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ثم قال الشارح رحمه الله غريب الحديث في الشيخ البسام رحمه الله explique ce hadith. Tout d'abord, les termes qui méritent explication, les termes étranges du hadith. Premièrement, يقول إنما الأعمال بالنيات كلمة إنما تفيد الحصر فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات وينفي الحكم عما عداه. Premièrement, la parole du prophète sallam, les actes ne valent que par les intentions. Et la parole innama en arabe signifie le fait de restreindre, le fait de restreindre et de confiner. Puis il dit fa huwa huna qasru mawsufin ala sifah. Qasru mawsufin ala sifah, c'est-à-dire de restreindre une chose citée par une caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, pour donner un exemple, lorsque tu dis par exemple ما زيد إلا كاتب. ما زيد إلا كاتب. Tu dis Zayd n'est qu'un écrivain. Zayd n'est qu'un écrivain. Ici, tu as restreint Zayd, qui est celui qui est représenté, par une caractéristique qui le qualifie, qui est écrivain. Donc lorsque tu dis ma zaydun illa katib, c'est-à-dire que Zayd n'est que katib. Et c'est dans ce sens aussi que l'on doit comprendre les actes ne valent que par l'intention. C'est-à-dire que les actes acceptés et valides sont ceux qui sont, où les actes sont rétribués selon ton intention. C'est-à-dire que les actes sont restreints par ce qui les caractérise, à savoir l'intention. Et Cheikh al-Bassam dit, pour reformuler cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'elle soit encore mieux comprise et que le sens soit plus clair pour l'ensemble des musulmans, il dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innama al-a'malu bin-niyyat fa huwa fi quwwati ma al-a'malu illa bin-niyyat, que les actes ne valent que par l'intention. Et selon ton intention, où l'intention sera proportionnelle, à la fois l'acte et sa rétribution sera proportionnelle à l'intention. Si l'intention est bonne, alors l'acte sera bon. Si l'intention est mauvaise, alors l'acte sera mauvais. Et plus tu fais un acte en étant sincère, et plus celui-ci sera rétribué et récompensé. Et plus la sincérité est moindre, et plus la récompense le sera aussi. ثانيا النية لغة القصد ووقع بالإفراد في أكثر الروايات قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. Deuxièmement, النية, c'est-à-dire l'intention. Le sens linguistique signifie al-qasd, c'est-à-dire de vouloir, d'avoir un but. Et il dit, rahimahullah, que dans la plupart des versions du hadith, al-niyyah a été, ou le terme intention a été cité au singulier et non au pluriel. Donc, dans la version de Bukhari et de Muslim, le professeur Hassem a dit les actes ne valent que par les intentions. Mais dans la plupart des autres versions, les actes ne valent que par l'intention. Innamal a'malu binniyah. Et Al-Baydawi, rahimahullah, a dit pour expliquer le sens de l'intention, il dit عِبَارَةٌ عَنْ بِعَافِ الْقَلْبِ. C'est-à-dire que l'intention est ce qui exprime, ce qui traduit, yani que l'intention traduit et exprime ce qu'il y a dans le cœur. Que l'intention traduit et exprime ce qu'il y a dans le cœur. Comme le fait de voir une chose et de considérer que cette chose apporte un bien ou alors éloigne un mal. Et sa signification en islam, c'est al-azmu ala fi'l al-ibadati taqarruban ila Allah. C'est le fait de vouloir faire une adoration en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azmu, c'est d'avoir la conviction de faire une adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te lèves à l'heure de dhuhr pour prier, tu te lèves pourquoi? Pour prier salat al-dhuhr, tu le sais. Et c'est yani, le fait que tu te lèves pour prier cette prière, eh bien, ton intention est présente dans ton esprit. Tu sais pourquoi tu te lèves. Tu te lèves pour prier, mais tu ne pries pas n'importe quelle prière, tu sais que tu pries la prière de Dhuhr. Et ceci n'a pas lieu d'être exprimé par la langue, mais le fait d'en être conscient et d'en avoir la volonté est amplement suffisant. ثالثاً فمن كانت هجرته إلى آخره مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة. Troisièmement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui pour qui l'émigration jusqu'à la fin du hadith est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité afin d'éclaircir la règle citée précédemment qui est que les actes ne valent que par l'intention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par établir cette règle, puis pour l'expliquer et pour qu'elle soit comprise de l'ensemble des musulmans, il a donné des exemples, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et ainsi doivent faire les prêcheurs et ceux qui appellent à l'islam de ne pas hésiter à donner des exemples pour expliquer les bases de la religion, voire ce qui ne fait pas partie des bases de la religion, mais d'utiliser des exemples fait partie de la façon d'expliquer du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, comme le hadith qu'a cité le frère hier, que le bon ami et le mauvais sont comparables aux vendeurs de musc et aux souffleurs ou aux forgerons. Et là, les hadiths sont extrêmement nombreux à ce sujet. Et Allah Azza wa Jal également a cité beaucoup d'exemples et beaucoup de métaphores dans son livre saint. Rabi'an, faman kanat hijratuhu jumlatun shartiyah. Quatrièmement, la parole du professeur Asselin, celui pour qui l'émigration, ceci est une phrase conditionnelle, est une phrase conditionnelle. خامسا فهجرته إلى الله ورسوله جواب شرط واتحد الشرط والجواب واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. Cinquièmement, la parole du professeur Asselin, alors son immigration sera pour Allah et son envoyé. Ceci est la réponse à la phrase conditionnelle. Celui pour qui l'immigration est pour Allah et son envoyé, qu'aura-t-il? La réponse, c'est alors son immigration sera pour Allah et son envoyé. Et ici, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit que la condition est la réponse à cette condition sont similaires. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. La condition c'est quoi? C'est que celui qui fait l'émigration pour Allah et son envoyé, la réponse est son émigration sera pour Allah et son envoyé. Ici, ce sont deux phrases qui sont similaires, mais l'une est une condition et l'autre est la réponse à celle-ci. Et Cheikh Al-Bassam explique en disant « Car l'on doit comprendre cette phrase comme celui pour qui l'émigration est vers Allah et son envoyé, niyatan wa qasda, c'est-à-dire en le faisant ou en ayant l'intention, celui qui émigre en ayant l'intention d'émigrer pour Allah et son envoyé, et pour qui le but ou le but de son immigration c'est Allah et son envoyé, alors son immigration sera pour Allah et son envoyé en termes de récompense et de mérite. En termes de récompense et de mérite. C'est-à-dire que tu seras rétribué et récompensé par ton intention. Deux personnes peuvent donc émigrer, faire ce geste d'émigration ou cet acte d'émigration, de délaisser sa famille, de déménager, d'emmener ses affaires, de partir d'un pays non musulman vers un pays musulman ou d'un pays non musulman dans lequel les musulmans sont offensés vers un pays musulman dans lequel les musulmans sont moins offensés. Tout ceci est appelé hijra en islam. Les deux ont fait la même chose, le même acte, mais l'un l'a fait parce que il y a un bénéfice à tirer en partant dans tel ou tel pays, et l'autre l'a fait uniquement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a immigré de la Mecque à Médine, alors que la Mecque est le pays le plus aimé ou la ville la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ البسام رحمه الله المعنى الإجمالي. Puis il dit le sens général de ce hadith. يقول هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته. Il dit c'est un hadith immense et une règle importante parmi les règles de l'islam, et c'est la jauge véridique qui permet de mesurer les actes, qui permet de mesurer les actes, qui permet de mesurer les actes, c'est-à-dire à savoir s'ils sont acceptés ou non, et concernant la récompense, si elle est grande ou non. Donc l'intention, c'est ce qui permet de savoir si un acte est accepté ou non, et c'est ce qui permet aussi de savoir si la récompense de ton adoration est grande ou pas. Plus cette intention est sincère, et plus la récompense est grande, et moins l'intention est sincère, et moins la récompense est grande. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les actes reviennent aux intentions. Si les intentions sont bonnes et l'acte sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'acte sera accepté. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكْ فَالْعَمَلُ مَرْدُودٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب وإن كانت إلى معصية فعليه عقاب. Et si cette intention n'est pas sincère et si l'acte n'est pas pieux, alors l'acte sera rejeté et non accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple dans lequel il illustre cette immense règle en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi l'exemple de l'émigration. Celui donc qui émigre d'un pays d'idolâtrie en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en voulant se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant apprendre sa religion et émigrer dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jal l'en récompensera ou le récompensera pour cela. Quant à celui qui émigre pour un bien de cette vie d'ici-bas, il n'en sera pas récompensé. Et si son émigration est vers un péché, alors il subira un châtiment. Alors il subira un châtiment. Il y a donc trois cas concernant l'émigration. Soit tu en seras récompensé par Allah, soit tu n'auras ni récompense ni péché, ou soit tu auras un péché. Si celle-ci est pour Allah et son envoyé, pour apprendre sa religion, pour préserver sa religion et préserver sa progéniture de la mécréance et de la perversité, alors si cela est fait avec sincérité, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera dans cela. Quant à celui qui fait son immigration pour atteindre un but de cette vie d'ici-bas, cela n'est pas interdit. Cela n'est pas interdit de voyager ou d'émigrer d'un pays non musulman vers un pays musulman, car il y a là-bas la femme que tu désires épouser. Et ce qui t'a amené et l'intention pour laquelle tu as émigré, c'est avant tout d'être aux côtés de la femme que tu veux épouser. Ici, tu ne seras pas récompensé par cet acte, car tu ne l'as pas fait pour Allah et son envoyé. Mais en aucun cas, tu n'as pas fait de mal, car de se marier n'est pas un mal en islam. Et celui qui voyage ou qui émigre en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. تميز العبادة عن العادة، ف فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة فيكون عبادة ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. Et l'intention permet également de distinguer ce qui est une habitude, ce qui est un mode de vie et ce qui est une adoration. Tu peux faire un seul et même acte, mais selon ton intention, cet acte peut être soit une habitude, soit une coutume, ou soit une adoration, c'est-à-dire un acte par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, en donnant l'exemple de du lavage, ou le fait de se laver. Par exemple, on se lave car on est en état de grande impureté. Et le fait de te laver car tu es en état de grande impureté, cela est considéré comme une adoration. Car c'est une obligation de se laver en état, pour celui qui est en état de grande impureté. Ainsi a fait et a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et si tu te laves dans l'unique intention de te purifier, de te nettoyer, ou voire même de te rafraîchir en temps de grande chaleur, alors cet acte sera considéré comme une habitude ou une coutume, et tu n'en seras pas récompensé, car ce n'est pas une adoration. Les actes sont donc identiques, mais c'est l'intention qui va faire en sorte que cet acte sera récompensé ou non. وَلِنِّيَّةِ فِي الشَّرْعِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا الْإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَهُوَ الْمَعْنَى الْأَسْمَى وَهَذَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ عُلَمَاءُ التَّوْحِيدِ وَالسِّيَرِ وَالسُّلُوكِ وَالثَّانِي تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء. Il y a deux études concernant l'intention en islam, où il y a deux axes essentiels. Le premier, c'est on parle d'intention en le fait d'être sincère dans l'acte que l'on fait, et que celui-ci doit être fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans ne lui associer quiconque ou quoi que ce soit. Et c'est le sens le plus grandiose de l'intention, et c'est de ceci que parlent les savants du tawhid et les savants qui parlent du comportement. Donc lorsqu'ils parlent de l'intention, il parle de la sincérité, de faire un acte en toute sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le deuxième axe qui est de comprendre l'intention, à savoir l'intention qui permet de différencier une adoration vis-à-vis d'une autre. Une adoration vis-à-vis d'une autre. Car on a vu juste avant que l'intention pouvait faire d'un acte soit une adoration, soit une habitude ou une coutume. Mais également, l'intention peut différencier des adorations entre elles. Des adorations entre elles. Par exemple, tu peux te laver pour enlever ton état de grande impureté, si tu es en état de grande impureté, mais tu peux aussi te laver le jour du vendredi. Tu peux aussi te laver le jour du vendredi, comme cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux aussi te laver lorsque tu as lavé un mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ghassala mayyitan falyaghtasil, celui qui a lavé un mort, qu'il se lave. Et donc, ce qui va permettre de différencier l'adoration ou un seul et même acte, mais qui, l'adoration n'est pas la même, à savoir que le but ou ce qui t'a amené à faire, à te laver, n'est pas, est différent entre grande impureté, entre vendredi, entre le fait d'avoir la vie à mort, c'est l'intention qui permet de passer d'une adoration à une autre. Et pour chaque adoration, il y a une récompense particulière. Pour chaque adoration, il y a une récompense particulière. Concernant le lavage, ou le fait de se laver après une grande impureté, c'est un acte obligatoire. Concernant le fait de se laver après avoir lavé un mort, c'est un acte recommandé et préférable. La récompense n'est pas la même. Allah Azza wa Jal ne récompense pas un acte obligatoire comme un acte surérogatoire. Lorsque tu fais un acte obligatoire, la récompense est plus grande que si tu fais un acte surérogatoire, malgré que l'acte en lui-même est absolument identique. L'acte en lui-même est absolument identique. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. Et c'est un hadith qui fait partie de al-jawami', c'est-à-dire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont les mots sont comptés, mais les sens sont innombrables. Mais les sens sont innombrables, et ceci fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, par quelques paroles qu'il prononce sallallahu alayhi wa sallam, on peut en déduire des centaines, voire des milliers de choses. C'est donc un hadith qui fait partie de Al-Jawami', et pour lequel il est primordial de donner l'importance qu'il a et de le comprendre comme il le mérite. Et le fait d'écrire quelques explications sur ce hadith ne lui donne pas son droit. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a même commencé son livre al-Sahih par ce hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et ceci pour montrer que tout ce qui est en rapport avec la science et tout ce qui aura rapport avec les chapitres que l'imam Bukhari rahimahullah va citer dans son livre, que tout ceci revient à l'intention. Que tout ceci revient à l'intention. Puis l'auteur rahimahullah dit ce que l'on retient du hadith. أولا إن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. Premièrement, la première chose que l'on retient du hadith, c'est que les actes reviennent aux intentions. Ils reviennent aux intentions dans le fait qu'ils soient acceptés ou non, dans le fait que ces actes soient acceptés ou non, qu'ils soient complets ou qu'ils comportent des manquements, qu'ils soient, c'est-à-dire ces actes, une obéissance ou une désobéissance. Celui donc qui fait un acte dans le but de se montrer devant les gens, il a alors commis un péché. Et celui qui combat dans le sentier d'Allah, dans le seul but que la parole d'Allah soit la plus haute, alors sa récompense sera complète. Celui qui combat dans le sentier d'Allah, mais aussi pour avoir une part de butin, alors sa récompense sera moindre. Sa récompense ne sera pas complète comme celui qui combat dans le sentier d'Allah uniquement dans le but de que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute, c'est-à-dire qu'il ne recherche derrière cela aucun bien de cette vie d'ici-bas. Et celui qui combat dans le sentier d'Allah, dans le but d'avoir une part du butin uniquement, il ne commet pas de péché, mais il n'aura pas la récompense de celui qui combat dans le sentier d'Allah. Le hadith montre donc que les actes divergent et diffèrent selon la différence d'intention. Que les actes diffèrent selon la différence des intentions. Thaniyan, anna an-niyyata shartun asasiyyun fil 'amal, walakin bila ghuluwin fi istihdariha yufsidu 'ala al-muta'abbidi 'ibadatahu. فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que l'intention est une condition primordiale dans un acte et dans une adoration. Mais ceci sans abuser dans le fait d'avoir l'intention, car certains abusent et lorsqu'ils finissent leur prière, ils disent oui mais moi quand j'ai fait ma prière, je ne suis pas sûr d'avoir eu l'intention de prier à Dhuhr, par exemple. Le fait d'abuser sur le cas de l'intention peut rendre les adorations nulles. Peut rendre les adorations nulles, walayadu billah. Le fait donc d'avoir la conviction et d'avoir le but ou de vouloir faire une adoration, cela suffit sans abuser dans le fait d'être persuadé que l'intention était présente au moment de l'adoration et que c'était vraiment celle-ci et pas une autre. Il faut avoir l'intention, mais il ne faut pas non plus abuser dans celle-ci. ثالثا النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. Troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que l'intention réside dans le cœur et que le fait de la prononcer par la langue est une innovation. Comme on l'a vu au début, que l'intention, c'est ce qui traduit et ce qui représente ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a donc pas lieu de la prononcer par la langue, et ceci n'a aucune origine et aucune source dans l'islam. Rabi'an, wujub al-hadari min al-riya wa-sum'a wal-amali li-ajli al-dunya ma dama anna shay'an min dhalika يفسد ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. Quatrièmement, on déduit de ce hadith l'obligation de prendre garde à l'ostentation et à le fait et au fait de rechercher la réputation ou d'accomplir un acte dans le seul but d'obtenir ou dans un bien de cette vie d'ici-bas. Madame anna shay'a min dhalika yufsidu al-ibada, à partir du moment où ceci annule un acte d'adoration. Et lorsqu'il parle de lui-même Cheikh al-Bassam, lorsqu'il dit tant que ceci annule l'adoration, il parle des choses de cette vie d'ici-bas. Car il y a des actes, lorsque tu les fais pour cette vie d'ici-bas, ils sont nuls et rejetés. Et d'autres actes que tu peux faire en espérant cette vie d'ici-bas, dans lequel ils sont acceptés mais non récompensés. Donc lorsque l'adoration que tu fais doit être faite pour Allah et pour personne d'autre, ni pour avoir des remerciements, ni pour un bien quelconque de cette vie d'ici-bas, alors tu dois t'abstenir d'avoir l'intention de le faire pour ce bien d'ici-bas. خامساً وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. Cinquièmement, on déduit de ce hadith l'obligation de prendre au sérieux les actes du cœur et de les contrôler. Car le cœur a des actes. Les actes, il y a les actes des membres du corps, mais il y a aussi les actes du cœur. At-tawakkul, la confiance, c'est un acte de quoi ? Du cœur. Al-khawf, c'est un acte de quoi ? Du cœur. Et l'intention aussi, c'est un acte du cœur. C'est donc, on déduit de ce hadith, qu'il faut donner une importance aux actes du cœur et de eux aussi les contrôler. Comme tu fais attention de ne pas tomber dans le haram, de ne pas boire de l'alcool, de ne pas fumer, de ne pas commettre l'adultère et la fornication, qui sont des actes commis par les membres du corps, eh bien tu dois aussi contrôler les actes du cœur pour que eux aussi ne commettent pas de péché. سادسا ان الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام من افضل العبادات اذا قصد بها وجه الله تعالى. Sixièmement, on déduit du hadith que l'émigration d'un pays d'idolâtrie, d'un pays de mécréance vers un pays musulman fait partie des meilleures adorations lorsque celle-ci est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر رحمه الله فائدة قال فائدة ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام فتارة يكون رياء محض لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وإن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله يشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته انتهى بتصرف. Puis Cheikh Al-Bassam rahimahullah cite une remarque à prendre en compte de l'imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dans lequel ou qui dit que les actes pour autre qu'Allah sont de plusieurs sortes. Premièrement, les actes que tu fais pour autre qu'Allah, c'est-à-dire en voulant, par exemple, un bien d'ici-bas, ou en recherchant un bien d'ici-bas. Il dit, de temps en temps, on fait taratan, quelquefois, cet acte est fait par ostentation pure. Par ostentation pure. C'est-à-dire que tu le fais uniquement parce que les gens te voient, pour te montrer devant les gens. Et que ton but et ton unique but est que les gens contemplent cette adoration que tu vas faire. Ou dans le but de rechercher à travers cette ostentation un bien d'ici-bas. Et ceci émane très rarement d'un croyant. De faire un acte avec une telle intention émane très rarement d'un croyant. Et si cet acte a lieu, il n'y a aucun doute qu'il n'est pas accepté et qu'il est rejeté, et que, en plus du fait qu'il est rejeté, celui qui l'a commis mérite une réprimande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'un châtiment. Et il y a d'autres cas dans lesquels l'acte d'adoration que tu fais, tu le fais pour Allah, mais il est mélangé à de l'ostentation. Tu pries pour Allah, et ce qui t'a poussé à le faire, c'est de te rapprocher de ton Seigneur, mais ton intention n'est pas pure. Elle est tachée par de l'ostentation. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de toi, et tu fais ta prière, tu la soignes un peu plus que d'habitude. Ou tu la soignes mieux que quand tu es tout seul. Ici, ce qui t'a poussé à prier, c'est de te rapprocher d'Allah. Donc, ton intention ou la base de ton intention, c'est de te rapprocher d'Allah, mais celle-ci est associée à de l'ostentation. Et l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dit « Si cette ostentation vient et que l'intention initiale ou l'intention de base est de faire cet acte pour Allah Azza wa Jal, c'est que l'acte n'est pas accepté. C'est que l'acte n'est pas accepté. فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه. Les textes religieux viennent montrer l'annulation de cet acte. وإن كان أصل العمل لله. عفوا فإن شاركه في أصله عفوا. C'est-à-dire que si l'ostentation vient associer l'intention que tu as eu d'Allah, mais fait aslinia, c'est-à-dire dans la base et dans la source de cette intention. Fait asli anniya, comme l'a dit Ashir, fa'in sha'arakahu min aslihi. C'est-à-dire que si cet acte est partagé entre la sincérité d'Allah et l'ostentation. C'est-à-dire à la base. Alors là, l'acte n'est pas accepté. Par contre, il dit, rahimahullah, وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ نِيَّةَ الرِّيَّةِ وَدَفَعَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيَضُرُهُ بِغَيْرِ خِلَافِ. Par contre, si la source et la base, c'est de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'ostentation est arrivée par la suite et il l'a rejetée وَدَفَعَهُ صَاحِبُهُ, alors cela ne lui portera pas préjudice et il n'y a pas de divergence des savants à ce sujet. Donc si tu te lèves pour prier, tu te lèves pour Allah et tu es sincère dans ton intention, mais que des personnes sont entrées, et là, l'ostentation, ou le doute de l'ostentation apparaît, et tu le sens, mais tu le repousses. C'est-à-dire que tu le repousses, que tu le condamnes, et que tu essayes de purifier ton intention et d'éloigner de ton esprit toute ostentation. Dans ce cas, ton acte est accepté et il n'y a pas de divergence des savants à ce sujet. وقد اختلف العلماء من السلف. Et là où il y a divergence des savants, c'est sur celui à qui l'ostentation est apparue sans qu'il ne la condamne et sans qu'il ne cherche à la repousser. L'istirsal en arabe, c'est le fait d'être compatissant dans le fait de ne pas combattre. C'est-à-dire que l'ostentation vient, mais quelque part, tu ne la rejettes pas et elle est mélangée. Dans ce cas, là, il y a une divergence des savants sur l'acte est-il accepté ou non. Là, c'est un sujet de divergence entre les savants parmi les salafs, rahimahumullah. Et c'est une citation que Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, a citée de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Donc c'était concernant le premier hadith de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala an. ثم يقول المؤلف الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Second hadith, selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. ثم قال الشيخ البسام رحمه الله غريب الحديث. أولا لا يقبل الله بصيغة النفي وهو أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وَزِيَادَةُ نَفِي حَقِيقَةِ الشَّيْءِ. Premièrement, les termes du hadith étranges ou qui méritent explication. Premièrement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une phrase de négation. Et d'utiliser une phrase de négation est plus parlant et plus fort que d'utiliser une phrase d'interdiction. Pourquoi ? Car le fait de nier et la négation comportent à la fois l'interdiction et le fait que la chose n'est pas acceptée. Par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ne priez pas en état d'impureté », qu'est-ce qu'on aurait déduit de ce hadith ? Qu'il est interdit de prier en état d'impureté. Est-ce qu'on en aurait déduit que celui qui prie en état d'impureté, sa prière n'est pas acceptée ? Certains savants auraient pu en déduire, mais cela aurait été un sujet de divergence. On pourrait le comprendre, mais ce n'est pas clair, ce ne serait pas évident. Par contre, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yaqbalu allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda » qu'Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. C'est-à-dire qu'Allah n'accepte pas, c'est-à-dire que vous ne devez pas prier en état d'impureté et que celui qui prie en état d'impureté, sa prière ne sera pas acceptée. Donc, le fait de nier apporte un message plus fort que le fait d'interdire. ثانياً أحدث أي حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء وفي الأصل الحدث الإيذاء. Deuxièmement, أحدث, c'est-à-dire qui est en état d'impureté, c'est-à-dire qu'il a ou que l'impureté a émané de lui. Et c'est ce qui sort des deux orifices ou de l'un des deux orifices ou autre qui fait partie de nawaqid al-wudu, qui fait partie des choses qui annulent les ablutions. Des choses qui annulent les ablutions. وفي الأصل الحدث الإيذاء. Et la base de l'impureté en arabe, c'est al-Idha, qui signifie la souillure. Quelque chose de sale, c'est la signification de al-Hadath. ثالثا الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروطة لها الطهارة. Et l'impureté, c'est un état lorsque cet état est présent, il peut interdire ou invalider des adorations pour lesquelles son absence est une condition. Pour laquelle son absence est une condition. Et, en l'occurrence, l'impureté, l'absence de l'impureté est une condition pour la validité de la prière. Et al-hadath, c'est un état d'impureté. Al-ma'na al-ijmali, le sens général. Al-shari' al-hakim arshada man arada al-salah an la yadkhula fiha illa ala halin hasanah wa hay'atin jamilah لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجاته لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. Le sens général du hadith. Et c'est aussi ce qui fait partie des particularités de ce livre, Taysir al-Allam, c'est que l'auteur, lorsqu'il explique ou lorsqu'il donne les sens généraux de ce hadith, veut montrer ou utilise l'occasion pour montrer la beauté de l'islam et pour montrer les buts de la législation musulmane. Et lorsqu'il y a des hadiths, donner les buts généraux et des choses, d'avoir un recul et d'avoir une vue aérienne sur le hadith pour en comprendre les buts. Et c'est ce qu'il dit justement dans ce hadith, à savoir que Allah Azza wa Jal a guidé ou a aiguillé celui qui veut faire sa prière de n'entrer dans celle-ci qu'en étant dans un état qui est louable et dans une apparence qui est belle. Car cette prière, c'est le lien ferme entre Allah et son serviteur. C'est le lien ferme entre Allah et son serviteur. Et c'est la voie qui permet de s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des hadiths à ce sens qu'on a déjà traité, dans lequel lorsque la personne ou le prieur lit Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal lui répond, lorsqu'il dit Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah Azza wa Jalla dit Hamidani Rabbi, etc., etc. Hamidani Abdina. Donc c'est un moyen de communication et avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné les ablutions et le fait d'être pur pendant cet acte d'adoration, et qu'il a informé subhanahu wa ta'ala par la bouche de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam que celui qui ferait cette adoration sans être en état de pureté, que celle-ci ne serait pas acceptée. Ma yubkhadhu min al-hadith. Ce que l'on doit retenir du hadith. Premièrement, anna salat al-muhdathi لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. Premièrement, que la prière de celui qui est en état d'impureté n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il se purifie des deux états d'impureté, le grand et le petit. ثانيا, أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. Deuxièmement, que l'état d'impureté annule les ablutions. À partir du moment où tu es en état d'impureté, tes ablutions ou les ablutions que tu as faites auparavant sont nulles. Et également, cet état d'impureté annule la prière lorsqu'il est présent avec celle-ci. C'est-à-dire que l'état d'impureté, qu'il précède la prière ou qu'il soit pendant la prière, dans tous les cas ou dans ces deux cas, il annule celle-ci. Donc celui qui a perdu ses ablutions pendant la prière, il doit la recommencer dans sa totalité. À Koulihal, il y a une divergence des savants à ce sujet, mais c'est l'avis qu'a choisi l'auteur. ثالثا المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. Troisièmement, le sens de non accepter dans ce hadith signifie que la prière n'est pas valide et que son accomplissement n'est pas compté. Que son accomplissement n'est pas compté. Car il y a des actes que tu peux faire qui sont invalides, c'est-à-dire qui ne sont pas acceptés auprès d'Allah Azza wa Jal, mais qui sont mujzés, par exemple. Qui sont mujzés. Comme par exemple celui qui a de l'argent interdit, par exemple. Certains savants disent que tu as le droit de le donner aux pauvres. Donc tu l'as donné aux pauvres. Tu as fait l'obligation de te débarrasser de cet argent interdit. Mais est-ce que tu en seras récompensé? Non. Tu n'en seras pas récompensé. Et cela ne sera pas considéré comme une aumône auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu as fait ce que tu avais dû faire. Et le fait de ne pas avoir les ablutions annule, ta prière n'est pas valide, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, mais tu dois la refaire. Tu dois la refaire, car certains peuvent dire, ok, moi je suis pas, j'ai fait ma prière sans ablution, j'aurai pas la récompense de la prière, mais allez, au moment où je l'ai fait. Là on dit non. À partir du moment où tu l'as faite sans ablution ou en état d'impureté, elle n'est pas acceptée, mais en plus, tu dois la refaire. Donc il y a une différence entre as-sihhatu wa al-ijza'. Rabi'an, al-hadithu yadullu ala anna at-taharata shartun li sihhati as-salat. Et ce hadith prouve, et c'est le quatrième et dernier point, que la pureté ou la purification est une condition pour la validité de la prière. Que la purification est une condition pour la validité de la prière. Pourquoi l'auteur a-t-il dit shart et n'a pas dit rukn? Pourquoi a-t-il dit une condition et n'a pas dit un pilier? Non, Hassan, car les ablutions sont externes à la prière. Elles ne font pas partie des actes de la prière. Et lorsque une chose est conditionnée par une autre et que celle-ci ne fait pas partie de l'acte en lui-même, on appelle cela condition et non pilier. Le pilier, c'est quelque chose que tu dois faire dans un acte mais qui fait partie de cet acte, comme dans la prière, le fait de réciter surat al-fatiha fait partie des piliers de la prière, car la récitation de fatiha fait partie de la prière. Quant aux ablutions, elles sont une condition, c'est-à-dire sans les ablutions, la prière n'est pas acceptée. On parle de condition car les ablutions sont externes à la prière. Elles sont faites en dehors de la prière. On a ktafi bihada al-qad wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.